Écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous poursuivons l'émission pour faire un suivi sur les ondes gravitationnelles. Vous vous souvenez peut-être de leur première observation, c'était en septembre 2015, il y a déjà 9 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que les astrophysiciens ont fait d'autres observations? Qu'est-ce que ces ondes nous ont appris sur l'univers? Alors nous avons la chance à Futur Simple de pouvoir compter sur Jean-René Roy, un astrophysicien qui suit de très près les avancements sur les ondes gravitationnelles. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie. Alors je dis à Jean-René que vous suivez de près les avancées sur les ondes gravitationnelles parce que récemment vous étiez à Pasadena en Californie pour une rencontre sur ces ondes gravitationnelles pour faire le point. Quel était l'objet de cette rencontre? C'était quoi le contexte? Le système qui observe en fait l'univers est capable de détecter des ondes gravitationnelles, on y revient, fondé sur deux détecteurs ou observatoires, un en Louisiane et un dans l'État de Washington, des endroits que j'ai visités fréquemment depuis 2009. Mon implication avec ces observatoires date de l'époque. Et cette année, encore au mois de septembre, il y avait une réunion annuelle où un groupe vient sur place ici à Caltech parce que c'est l'institution qui est en quelque sorte responsable des deux observatoires. Et on fait un peu pendant 3 jours une revue de tous les programmes, de ce qui se fait. C'est un peu une question de revision du point de vue management, de gestion, pour assurer l'organisme qui finance le projet, qui est la National Science Foundation, que les choses sont faites selon les règles de l'art. D'accord, et on sait à peu près où on va. Alors, on va, avant de voir qu'est-ce que ces rencontres, qu'est-ce que ces observations nous apportent de nouveau, bah peut-être, je pense que c'est bien de faire un rappel, qu'est-ce que c'est ces ondes gravitationnelles et comment on les observe. Donc, brièvement, les ondes gravitationnelles sont une propriété de l'espace, bien décrite dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Cette conséquence des ondes a été, entre guillemets, prédite par Einstein en 1918. Je dis entre guillemets parce qu'Einstein, jusqu'à son décès en 1955, a toujours douté de leur réalité. Et ce n'est qu'en 1957, deux physiciens, un Américain, Richard Feynman, bien connu, et un physicien italien, Felix Pirelli, qui ont montré que oui, Einstein avait raison de déduire la possibilité d'existence d'ondes gravitationnelles. Ce qu'elles font, c'est un peu une perturbation de la structure de l'espace, semblable à la perturbation qui se propage à la surface de l'eau lorsque il y a quelque chose qui y bouge ou quelque chose qui y tombe, ou la perturbation peut-être d'une façon où l'analogie est plus exacte avec la surface d'une trampoline ou d'un trampoline, où par exemple des enfants sautent et génèrent une vibration qui est d'autant plus importante que le poids des enfants est grand. Et c'est une propriété absolument, moi, qui me demeure en quelque sorte mystérieuse. Autant que je peux en quelque sorte concevoir que le temps peut s'allonger ou se raccourcir, on dirait psychologiquement, ça va, mais que l'espace, toujours me paraît, comme dans tous les temps, un référentiel absolu, que ça change absolument dément. Et ici, la perturbation, elle est générée, et on va y revenir, par des événements où des masses importantes bougent. Et dans le cas qui nous concerne ici, elles se fusionnent ensemble. Donc, ce qu'on détecte, c'est un système qu'on appelle un interféromètre. C'est deux grands tubes de 4 km de longueur disposés en L. Donc, chacun contient à peu près 150 kilowatts de lumière infrarouge extrêmement bien syntonisée et qu'on fait interférer de façon à ce qu'on produit un signal soit nul ou soit très fort selon que les pics d'ondes s'empilent ou nul si un pic rencontre finalement un creux de l'onde. Un peu des phénomènes qu'on peut voir quand on analyse les vagues qui s'écrasent sur le bord de la plage. Donc, l'effet de ça, c'est finalement, est produit par la propagation d'ondes gravitationnelles qui passe, raccourcit un bras d'une infime quantité et allonge l'autre bras Ah d'une oui. infime quantité. Et vous produisez en ce moment un signal qui peut être détecté. Très difficile parce qu'il est extrêmement faible. La perturbation de l'espace correspond à peu près au changement de la distance entre la Terre et la Lune du diamètre d'un atome. Donc, C'est c'est infime. quelque chose, n'attendez-vous pas à ce que ça modifie beaucoup la dimension de votre maison ou la dimension de votre terrain. Donc, c'est un phénomène, d'ailleurs, où il a fallu travailler pendant des années. Depuis les années 60, on y travaille. Et ce n'est qu'en, dans les années 90 qu'on a développé ces systèmes interférométriques, qui sont capables de détecter un signal aussi infime de contraction et de dilatation de l'espace. Donc ça, on a fait la première observation. Donc ça a pris du temps là pour développer les appareils, les équipements, observer et enfin réussir à observer un premier événement d'onde gravitationnelle. C'était en septembre 2015. Mais depuis, c'était la première, mais c'était pas la dernière. On en a observé d'autres Oh depuis. non. Ouais. Donc, autant, moi, j'ai été impliqué dans le projet 2009 et je peux dire qu'au début, on se demandait si jamais ça allait fonctionner, cette histoire-là. Ah ouais. Il y avait 1 milliard de dollars d'investis au fil des ans par les États-Unis et certains autres pays. Donc, et septembre 95, comme vous l'avez souligné, Valérie, arrive le premier événement et un signal très, très fort. 2015. 2015, donc qui a été associé à une paire de trous noirs de l'ordre de chacun d'une trentaine de fois la masse du Soleil, qui finalement, avec le temps, perdent de l'énergie et se rapprochent et ont fusionné dans une explosion absolument colossale et qui s'est traduit par cette espèce de vibration transmise dans l'espace. Donc, cette paire de trous noirs était située à peu près de l'ordre de 1 milliard 400 millions d'années. Donc, le signal, l'événement s'est produit il y a aussi longtemps, en termes d'années, et nous est parvenu récemment. Donc, dans la première année suivant cette détection, on n'a pas eu grand-chose parce que l'événement était assez spectaculaire, mais les chercheurs des deux grands radiotélescopes, des deux grands détecteurs d'ondes gravitationnelles travaillaient à l'amélioration des sensibilités, etc., mieux contrôler les bruits de fond, qui est un problème fondamental. Et finalement, on a commencé tranquillement à détecter d'autres événements. Donc, généralement, il fallait toujours avoir au moins les deux détecteurs qui détectent un signal semblable pour confirmer que oui, c'était un événement d'onde gravitationnelle. Et le nombre grandit chaque année de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et avec les derniers niveaux de sensibilité atteints, donc quand j'étais là à Caltech au début de septembre, on était à un niveau de détection d'à peu près un événement de fusion de trous noirs toutes les 2 jours. Tous les 2 jours. Ah ouais, Tous d'accord, les deux ça jours, commence et à faire même une des. journée, on en a eu deux. Ouais, Donc, donc ça. et maintenant, c'est un champ d'astrophysique absolument extraordinaire. Ah oui. On approche la 200aine d'événements enregistrés. Les observatoires ne sont pas toujours en fonctionnement. Donc, on n'observe qu'une fraction de l'année, les deux détecteurs ensemble, et il y a un détecteur européen qui s'appelle Virgo. Les deux détecteurs américains s'appellent LIGO, pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Donc, ces observatoires, finalement, sont devenus de vrais observatoires. On a maintenant une science, des ondes gravitationnelles qui nous permet d'étudier des objets, dans ce cas-ci, les trous noirs massifs, résultat, on ne sait pas trop, mais d'évolution stellaire d'étoiles elles-mêmes déjà très massives. Mais là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, Jean-René, parce que on observe l'onde gravitationnelle, mais je me mets à la place de quelqu'un vous faisiez une allusion, une analogie tout à l'heure avec la surface d'un lac dans lequel on lance une roche, Oui. par exemple, ça fait des ondes, ça fait un cercle. Mais si quelqu'un ne voit pas l'objet tomber dans le lac, on peut voir les ondes. Ça ne veut pas dire qu'on voit l'objet qui a provoqué l'onde. Donc Absolument. là, on voit les ondes, mais à partir des ondes qu'on observe, est-ce qu'on est capable d'en déduire l'origine? Qu'est-ce qui a On produit? Vous déduit. parliez de la collision de deux trous noirs, mais comment on sait que ce sont deux trous noirs qui ont fait la collision et qui ont Donc, provoqué l'onde? c'est une excellente question et c'est ça qui est la propriété de ces ondes gravitationnelles, on peut les caractériser en amplitude, en durée, en fréquence. Donc, c'est une Ouais. espèce de petit splash, une petite oscillation de la distance qui varie brièvement des points dans l'espace. Et l'amplitude, comme un peu la grosseur de. Vous savez, par exemple, prenons l'analogie des ondes à la surface de l'eau. On sait à quelle vitesse se propagent les ondes à la surface de l'eau. C'est quelques mètres par seconde. Et donc, au départ, disons que vous avez. On est sur le bord du fleuve, en fait, et vous savez que les ondes vont venir peut-être d'une perturbation comme un navire qui passe. Donc, l'onde arrive, vous savez que le navire est à peu près à telle distance. En fait, pour les ondes gravitationnelles, de la propriété des ondes, on peut déterminer la distance beaucoup plus précisément qu'on peut faire. L'amplitude de l'onde, donc la hauteur de l'onde, va vous donner une idée de la vitesse et de la masse d'eau déplacée du navire. Donc, c'est une analogie toute simple, mais les ondes gravitationnelles contiennent beaucoup plus d'informations sur leur source que les ondes qui se propagent à la surface du fleuve, par exemple, peuvent nous en donner sur la nature de l'objet qui est en déplacement quelque part dans le fleuve. Donc, c'est de cette nature et on n'a pas besoin de voir l'objet, sauf que si on le voyait, et c'est arrivé une seule fois, et on a pu déduire que dans ce cas-là, c'était une fusion entre une étoile à neutrons, donc une petite masse, un vestige d'étoile qui avait évolué de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil, avec un trou noir qui, lui, avait la trentaine de fois. Et là, ce qui a été absolument phénoménal, c'est qu'on a pu avoir les 3 détecteurs, donc incluant le détecteur de Virgo, et à peu près par triangulation, situer l'objet dans l'espace et faire un suivi avec tous les télescopes possibles, Oui. optiques, radiotélescopes, entre autres un observatoire de rayons gamma dans l'espace, qui est en orbite autour de la Terre, localiser et observer un flash lumineux qui a perduré pendant plusieurs jours à l'endroit où les 3 observatoires gravitationnels avaient pointé comme source de cette onde gravitationnelle. Et ça nous amène à une grande intrigue, c'est que sur la quelques centaines d'événements d'ondes gravitationnelles enregistrées, ils sont tous, sauf celui que je viens de décrire, tous des fusions d'étoiles, en fait, de trous noirs massifs de l'ordre maintenant même de la centaine de fois la masse solaire. Et là, on n'a pas d'idée quel type d'étoile peut être à l'origine de ces trous noirs. Donc, on a une population nouvelle de trous noirs qui peuvent être difficilement le résultat d'évolution d'étoiles très massives qui elles-mêmes ont rarement des masses plus grandes que 100 fois la masse du Soleil. On a affaire à des trous noirs eux-mêmes qui seraient des vestiges d'explosion d'étoiles, mais ces étoiles-là, quelle masse auraient-elles eu? Ça rentre pas dans Rentre la pas. panoplie d'étoiles qu'on a. Il n'y en a aucune qui, en implosant sur elle-même, pourrait donner de tels trous noirs. Donc, il y a 2 hypothèses à ce niveau-là qui sont explorées à l'heure actuelle. Donc, une, quel serait le résultat des premières étoiles qui se sont formées dans l'univers? Disons qu'on a un âge selon le modèle cosmologique Big Bang de 13,8 milliards d'années. Donc, les premières étoiles se seraient formées à peu près 300 à 400, 500 millions d'années après le début qu'on appelle Big Bang. Et ces étoiles ont pu être très massives parce qu'elles n'étaient composées que d'hydrogène et d'hélium. Donc, des étoiles actuelles ont été enrichies en éléments plus lourds produits dans cette première génération d'étoiles. Et ce que font les éléments plus lourds, c'est que s'ils font partie de ce gaz, l'ensemble, qui reste toujours dominé par l'hydrogène et l'hélium, ces éléments plus lourds agissent un peu comme des petits bloqueurs de la radiation. Donc, une étoile qui a une plus grande teneur en éléments lourds ne pourra pas accumuler autant de masse parce que la pression lumineuse, les photons vont pousser les couches extérieures. Elle va être trop lumineuse, elle ne pourra pas, en quelque sorte, tenir autant de volume de gaz ensemble. Donc, les étoiles d'aujourd'hui se forment rarement avec des masses aussi élevées que sans masse solaire, mais cette première génération aurait eu peut-être des masses de l'ordre de 1000, 2000 fois la masse du Soleil, avec des temps de vie de l'ordre de 1 à 2 millions d'années. Et leurs vestiges auraient pu être de gros trous noirs comme ceux qu'on voit présentement se fusionner. Mais l'autre problème, c'est qu'il y en a beaucoup de ces paires. Donc, est-ce que les premières étoiles se formaient en paires, en triples? Et peut-être leurs petits moyens trous noirs se fusionnaient déjà et on se retrouvait avec des paires qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui et maintenant, elles ont perdu l'énergie gravitationnelle et elles rentrent les unes dans les autres. Première hypothèse pour expliquer cette abondance de trous noirs massifs, là, en termes de trous noirs d'origine possiblement stellaire, on a commencé à explorer des trous noirs qui seraient le résultat d'accumulation de matière sombre. Donc, celle-là, elle est plutôt cavalière parce qu'on n'a aucune idée si la matière sombre existe vraiment. C'est une hypothèse pour permettre de comprendre la dynamique des grands systèmes comme notre Voie lactée, qui semble avoir une masse distribuée à très, très grande échelle pour expliquer que les vitesses de révolution des étoiles autour de leur centre, au lieu d'aller en diminuant comme dans le système solaire, elles continuaient d'augmenter jusqu'à les distances très, très grandes du centre. Donc, la matière sombre, on en parle beaucoup, mais on n'en a aucune idée. Moi, je l'appelle un fantôme pour le moment. Et on fait beaucoup d'efforts pour tenter de la détecter. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour expliquer cette surabondance de trous noirs qu'on voit se fusionner via les observatoires LIGO, on fait appel à notre fantôme qui, possiblement, oui, pourrait se condenser parce que la force gravitationnelle opère et produit ces trous noirs qu'on appelle d'origine, entre guillemets, ou de masse quasi-stellaire de l'ordre de plusieurs et maintenant centaines de fois la masse du Soleil. Ah, mais ça nous dit pas plus de quoi est constituée la matière sombre, par contre. Absolument pas. Donc, pour celle-là, il faut, et des détecteurs sont construits pour essayer de la détecter. On fait des hypothèses de différents types de particules, comme entre autres particules ultramassives qu'on appelle entre autres l'action. Donc, ce sera le sujet d'un autre entrevue. Oui, absolument, ça c'est Mais important. juste en résumé, on observe avec grande surprise une surabondance de fusion d'objets qui sont des trous noirs. Et d'ailleurs, c'est avantageux parce qu'ils produisent de grosses ondes gravitationnelles qu'on C'est ce que détecte. Et on s'attendait au départ, quand on a construit l'observatoire, qu'on allait observer beaucoup de fusion d'étoiles à neutrons. Parce que les étoiles moins massives sont beaucoup plus nombreuses que les étoiles hypermassives. Ouais, mais c'est parce qu'on soupçonnait peut-être pas l'existence de ces trous noirs hyper massifs d'origine stellaire. On les soupçonnait pas, donc on pouvait pas penser qu'on allait détecter les ondes gravitationnelles résultant de ces trous noirs. Mais après, c'est peut-être un Exactement, problème. et c'est le résultat C'est spectaculaire ça. des observatoires d'ondes gravitationnelles. Et après, c'est peut-être, est-ce que c'est une question de sensibilité des détecteurs qui seraient pas capables de détecter les ondes gravitationnelles provoquées par la collision d'étoiles à neutrons entre elles ou d'étoiles à neutrons avec un trou noir? Est-ce que c'est un problème de Non. sensibilité? Non, actuellement, on est capable de détecter des fusions d'étoiles à neutrons jusqu'à une distance de quelques centaines de millions d'années-lumière. Donc, on devrait, et il y en a, il y a beaucoup d'étoiles à neutrons. On les Donc, détecte visuellement, je veux dire par d'autres non moyens. par hypothèse du nombre de pulsars Ah, OK. qui sont bien connus dans notre galaxie. Ouais. Donc, pour les observer dans d'autres galaxies, les pulsars seraient trop éloignés. Donc, c'est un signal radioélectrique qu'on peut détecter. Mais si deux étoiles à neutrons se rentrent dedans, elles vont produire un signal d'onde gravitationnelle qui sera détectable. Et d'ailleurs, on mesure à l'heure actuelle la capacité potentielle de détecter des objets. On mesure ça en termes de la distance à laquelle on doit détecter des étoiles à neutrons. Maintenant, avec la sensibilité, c'est que la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup moins de paires d'étoiles à neutrons qu'on peut en faire l'hypothèse. Et ça, ce n'est pas tout à fait une surprise qu'il y en aurait moins. Mais on en voudrait parce qu'elle nous livre des propriétés, entre autres sur l'origine de certains éléments du tableau périodique. Ben justement, là, c'est ce que vous me disiez un petit peu hors onde, là, que on voyait sortir de ces événements des éléments plus lourds que le fer et que ça pouvait expliquer certaines énigmes qu'on avait. Donc, en effet, Or, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. le tableau périodique, vous le connaissez, là, ce sont les 92 éléments qui existent à l'état naturel. Ce qu'on connaît bien, c'est la formation d'à peu près tout jusqu'à ce qu'on appelle le groupe du fer, cobalt, etc., le fer. Et les éléments au-delà, jusqu'à l'uranium, l'hypothèse qu'on faisait, c'était que c'était les éléments produits du groupe du fer qui se produisent lorsque des explosions de supernova, d'étoiles de plus de à peu près 8 fois la masse du Soleil. Et on faisait l'hypothèse que les éléments plus lourds, au-delà du tableau périodique, le plus connu, l'or, par exemple, auraient été le produit du groupe du fer et eux, en sortant de la supernova, auraient été bombardés par des neutrons. Et là, il y aurait en fait monté l'échelle du tableau périodique assez rapidement. Mais tout le monde en fait arrivait à un résultat que il n'y avait pas assez de. La phase était trop courte et il n'y avait pas assez en quelque sorte de bombardement par des neutrons. Et dans le seul événement que je vous ai mentionné, d'une fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons, on a vu là une abondance très grande de ces éléments beaucoup plus lourds que le fer, le cobalt, etc., de ce groupe d'éléments beaucoup plus lourds du tableau périodique produit dans cet événement de fusion trou noir étoile à neutrons, donc tout n'est pas tombé dans le trou noir, qui a été éjecté dans l'espace qu'on observait par spectroscopie avec des télescopes au sol. Donc, si on observe à nouveau ce genre de collision et qu'on confirme ce résultat, ça va expliquer en partie l'origine de ces éléments plus lourds que le fer. En fait, on expliquerait complètement Ouais. l'abondance observée, même si leur niveau d'abondance demeure faible par rapport à tous les éléments moins Ouais. lourds du tableau périodique. Mais on expliquerait en fait, donc si vous avez de ces métaux, entre guillemets, comme de l'or, comme les éléments qui sont autour, ils viendraient très probablement d'une fusion d'un trou noir ou de la fusion avec une étoile à neutrons, de la fusion de deux étoiles à neutrons. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors pour améliorer la capacité, nos observations et pouvoir observer plus de ces événements-là ou voir découvrir d'autres choses sur les ondes gravitationnelles? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, à l'heure actuelle, il y a un plan de rehaussement des capacités et de la sensibilité des deux LIGO existants et aussi un effort pour Virgo par les Européens. C'est d'augmenter les sensibilités. Entre autres, on grossit les miroirs. Pas pour que ça nous donne plus d'accès, mais avec les propriétés de réfléchissante, en augmentant la quantité de lumière dans chacun des longs tubes de 4 km. C'est tout en syntonisant parfaitement ce qu'on peut faire avec la technologie actuelle. Donc, on prévoit une durée de vie pour le LIGO à peu près jusqu'en 2040. Mais à l'heure actuelle, il y a un appel de concept pour la prochaine génération d'observatoires d'ondes gravitationnelles qui a été lancé par la National Science Foundation et les Européens. Et ce serait de faire un système qui serait en quelque sorte comme 10 fois plus puissant. Donc, au lieu d'avoir des bras de 4 km, on aurait des bras de 40 km. Et à ce moment-là, la majeure partie du système serait sous terre, souterraine. Donc, s'il ne pose pas de problème, c'est moins compliqué en fait que de faire ces tunnels pour LIGO que ce l'est pour des observatoires ou de d'autres natures et ou des accélérateurs de particules comme celui du grand collisionneur de Hadron. Donc, des technologies sont en place et l'appel de concept, c'est pas une approbation de projet du tout, est faite. Entre-temps, on a les observatoires actuels dont on augmente la performance et qui ne cessent de nous révéler de belles surprises. Ben alors, on va attendre les prochaines surprises, les prochaines révélations avec impatience et nous comptons sur vous, Jean-René, pour ces Avec nouvelles. grand plaisir. Alors, un gros merci, Jean-René, de nous tenir au courant de tous ces développements sur les ondes gravitationnelles. Je rappelle que nous étions en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien en théorie retraité, mais comme vous le voyez, toujours très actif dans ce milieu de l'astrophysique. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine. Il sera question de la douleur et de la maladie de Crohn. Et maintenant, bien c'est l'heure de vous souhaiter une belle soirée à l'écoute de CKRL 89.1 et c'est Calypso le Moine qui prend le relais avec En aparté. L'escalier tourne dans l'immeuble où je perche. L'escalier monte au septième où je crèche. Quand dans sa vrille, je lâche une bille à la rambarde. J'écoute sa cascade jusqu'à la rue, sa course tordue. Je lâche un rot dans ses anneaux. Je sonne aux portes et mes jambes m'emportent. L'escalier gronde que c'est quand même un monde. J'habite aux deux rue Papillon. Vous reconnaîtrez la maison. Chaque nuit, l'escalier me tourmente. Dans son puits, monte mes eaux dormantes. Je vois des pièges dans ses arpèges. L'escalier craque, la concierge me traque. À coups de trick, j'apprends la musique. Leçon de morale dans la spirale et dans la cage. Je promets d'être sage. Parole d'oiseau derrière les barreaux. J'habite au 4 rue de la Lune. Ceci est un couplet nocturne. Chaque jour, je grandis de la sorte. Qu'un beau jour, je me baisse aux portes. Quant à l'amour, je tourne autour. Dans l'escalier, quand elle me dit bonjour, c'est un rosier grimpant dans une tour. Contre la rampe, entre deux lampes. Et dans ses bras, je quitte la gingras. Sous le riz, nous quittons la mairie. J'habite au 6 rue de la Gaîté. La porte n'est jamais fermée.